assis à l'arrière de l'auto. On nous fait chanter des chansons. Parfois même on joue au loto. Sur plaque d'immatriculation. Mais ce qu'on préfère, c'est la cassette. Des mémoires d'un cartable, c'est chouette. Et pendant ce temps-là, le voyage continue. Virage à gauche, ça fait cling. Et puis à droite, ça fait clang. Le moteur accélère, les pneus qui crissent. Les clignotants clic-clac. Et le klaxon mouette-mouette. Y'a que la pub à la radio qui nous casse vraiment les oreilles. Hey, hey, hey, hey. On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit. Ma sœur, c'est l'or, elle est hardie. Et plus il fait chaud, plus c'est dur. Quand elle crie fort, papa assure. Si t'arrêtes pas, y'a aucun doute. On te laisse sur le bord de la route. Et pendant ce temps-là, le voyage continue. Virage à gauche, ça fait cling. Et puis à droite, ça fait clang. Le moteur accélère, les pneus qui crissent. Les clignotants, clic-clac. Et le klaxon, mouette-mouette. Y'a que la pub à la radio qui nous casse vraiment les oreilles. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Faut qu'on s'arrête, j'ai mal au cœur. Je suis tout blanc depuis une heure. Ça va mieux, on est reparti. J'ai juste oublié de faire pipi. J'aurais pas dû, maman s'écroule. Elle va sauter pendant qu'on roule. Et pendant ce temps-là, le voyage continue. Virage à gauche, ça fait cling. Et puis à droite, ça fait clang. Le moteur accélère, les pneus qui crissent. Les clignotants clic-clac. Et le klaxon mouette-mouette. Y'a que la pub à la radio qui nous casse vraiment les oreilles. Hey hey, hey hey, hey hey. Virage à gauche ça fait. Et puis à droite ça fait. Le moteur accélère, les pneus qui crissent. Les clignotants et le klaxon. Y'a que la pub à la radio qui nous casse vraiment les oreilles. Hey hey, hey hey, hey hey. Virage à gauche ça fait, et puis à droite ça fait. Le moteur accélère, les pneus qui crissent. Les clignotants et le klaxon. Y'a que la pub à la radio qui nous casse vraiment les oreilles. Hey hey, hey hey, hey hey. La route est longue, c'est encore loin. On a mangé, ça fait du bien. Tout blotti contre la portière. Avec mon ours, on fait la paire. J'ai le regard ensoleillé. Je rêve déjà, je dors, ça y est. Et pendant ce temps-là, le voyage continue. Virage à gauche, ça fait cling. Et puis à droite, ça fait clang. Le moteur accélère, les pneus qui crissent. Ouais, ça fait comme ça, les pneus. Ouais, ouais. Les clignotants, clic-clac. Et le klaxon, mouette, mouette. Papa éteint la radio. Le calme est enfin revenu.